Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces, douces, douces. Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour ce cadeau bonus, nouvelle formule qui lave plus blanc que blanc. Je suis Yetcha, votre hôte pour ce numéro qui sera consacré à un film culte. Et je suis accompagné de Spades. Salut Spades, comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça va très bien. Alors, comment va se dérouler l'émission ? Nous allons aujourd'hui débattre de l'importance d'un film à l'aspect plutôt léger, plutôt futile, mais qui recèle de nombreuses caractéristiques uniques. En effet, Spades et moi-même allons parler de Karate Kid, le moment de vérité. Mais avant toute chose, il ne faut pas oublier, Spades, que nous avons... quelques partenaires, dont notamment Eric Bouvel, illustrateur qui nous fournit plein de jolies images pour le site, et surtout Génération 80, la page Facebook de tous les amoureux des années 80. Exactement. Et pour débuter, nous allons écouter la bande-annonce du film. Dis donc, d'où tu viens comme ça ? De New Jersey. Alors, tu te souviens du garçon avec qui tu t'es battu sur la plage ? C'est mon ex-petit ami. Je dois suivre des cours de karaté. Tu as fait du karaté ? La peur n'existe pas dans ce dojo. Oh, karaté. Quatre. Je m'engage à enseigner karaté. Quand est-ce que j'apprendrai à me battre ? Mettre force tout ton corps dans seulement un centimètre. Que dites-vous d'un match, monsieur Laurent ? Oui, sensei. Sois sans pitié. Alors, après cette bande-annonce, on va présenter un petit peu de film. On a dans ce film, donc Karate Kid, le moment de la vérité, Daniel LaRusso, un jeune de 16 ans, qui déménage du New Jersey vers la Californie en compagnie de sa mère, qui a trouvé un travail en Californie. Il se retrouve assez vite confronté avec des problèmes de jeunes loubards qui pratiquent le karaté et qui font partie de la haute société du coin. Malheureusement ou heureusement, il s'éprend d'une jeune fille qui fait partie de cette société plutôt chic et il va rencontrer Miyagi, le concierge de sa résidence, qui va lui apprendre le karaté pour se défendre. Parce que bien sûr, il a envie d'en découdre avec ses loubards. Le film est sorti en France le 26 septembre 1984. Il a été réalisé par John J. Advildsen, qui est le réalisateur, il ne faut pas l'oublier, de Rocky, des trois premiers Karate Kid, et de Rocky V. Pas son meilleur travail, hein, dernier. Ça dépend du point de vue. Mais ce qui est important dans cette fiche technique de film de Karate Kid, c'est le scénariste. Robert Mark Kamen, qui est un monsieur qui travaille régulièrement avec Luc Besson, qui l'a d'ailleurs invité à créer les studios de la Cité du Cinéma à Saint-Denis, qui ont été inaugurés en septembre 2012, et où a été réalisé Lucie. Et il a travaillé donc avec lui aussi sur Léon et le cinquième élément. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un rôle prépondérant dans le scénario de certains films. Il a aussi travaillé sur les Tekken, le baiser mortel dragon, l'arme fatale 3, le transporteur, etc. Donc des choses qui sont un petit peu connues quand même. Côté musique, on a Bill Conti, qui lui est vraiment un compositeur multicarte qui a touché un peu à tous les genres. Il a notamment modernisé la musique de James Bond à la demande des producteurs dès le début des années 80. Il a souvent créé des musiques inspirées de John Williams. Il a travaillé sur Le Grand Bleu, version US, puisque la musique d'Eric Serra, il faut le savoir, a été remplacée par la musique donc de Bill Conti. Ils sont parfois un peu bizarres, ces États-Unis, je ne comprends pas, mais bon. Et ces films notables qu'on connaît tous, donc c'est les Rocky, sauf le 4, l'étoffe des héros, Un nouvel victoire, FX effet de choc, Haute sécurité, Thomas Crown, donc beaucoup de films quand même dont on a entendu parler et qui sont très regardables et avec des bandes son qui valent le détour. La musique de Rocky est juste l'une des BO les plus cultes du monde. Ah bah oui, on est d'accord. Et là, pour Karate Kid, il ne faut pas oublier qu'il a travaillé avec Georges Zamphir, qui est donc le flûtiste spécialiste de la flûte de Pan, qui était très connu dans les années 80, notamment avec sa reprise de El Condor Pasa. Là, c'est grâce à l'union de Bill Conti et ses sonorités très, très américaines, et à Georges Zamphir qui donne des couleurs plus asiatiques, qu'on a vraiment une BO magnifique sur Karate Kid. Oui, c'est vrai, c'est complètement vrai ça. Ouais. On a d'ailleurs donc pour produire cet ensemble-là, c'est Jerry Weintraub qui est surtout connu pour les sagas de Karate Kid et Ocean's Eleven. Au niveau des acteurs qui sont présents dans ce film, on va citer les principaux personnages. Donc Ralph Macchio qui joue donc Daniel LaRusso, qui est doublé par Luc Hamet, célèbre Luc Hamet, qui en ce moment on a beaucoup entendu sa voix puisqu'il a notamment doublé Marty McFly dans Les Retours vers le futur. On a Pat Morita qui joue Miyagi. Alors là, je crois que tu peux nous dire quelque chose par rapport à son doublage justement Spades. Bah, tout simplement, on en avait déjà parlé dans un cadeau bonus il y a quelques temps. Donc le doublage de Keisuke Miyagi est fait par notre parrain non officiel du podcast, simplement Monsieur Roger Carrel. Un grand monsieur du doublage. Et justement, je trouve que son doublage est vraiment de grande qualité parce que dans le film, Miyagi, donc joué par Pat Morita, a vraiment l'accent de l'asiatique qui a du mal à parler... un peu, qui pourrait paraître un petit peu raciste en fait, et qui l'était, on va dire, dans les années 60-70, avec un ton un peu à la Michel Leeb, on va dire. Mais ici, c'est tellement bien fait qu'il n'y a aucun côté péjoratif, c'est respectueux. C'est cliché sans être péjoratif. Voilà. C'est vraiment, il y a une vraie volonté de jamais être caricatural dans le personnage. C'est cliché, mais tout comme moi qui suis ressortissant d'origine portugaise, mon père a un accent portugais à couper au couteau que je peux pas nier. Oui. Là, on peut pas oublier que Miyagi est censé avoir un accent et il le fait vraiment magistralement, Roger Carrel. Bah oui, tout à fait. Et du coup, ça ressort vraiment très très bien et ça passe tout seul. On se dit jamais que c'est bizarre d'avoir mis cet accent, etc. Ça passe vraiment très bien. On voulait le préciser parce que ça joue moi je trouve un rôle important dans le côté crédible du film, on va dire. Les trois autres acteurs, personnages qu'on va citer, c'est donc Elizabeth Shue, qui joue la petite amie de Daniel LaRusso. C'est Martin Kov, qui joue John Kreese. Alors lui, John Kreese, c'est le... comment dire... C'est le Marines Badass. Ouais, c'est ça, le Marines Badass, qui joue le patron du dojo, dans lequel est entraîné l'ennemi principal, l'adversaire principal de Daniel LaRusso, Johnny Lawrence, qui est incarné par William Zabka. Tout à fait. Voilà, alors, ce film qu'on a présenté un peu rapidement, on peut revenir dessus, surtout parce que Spades, c'est un film qui est quand même assez typique des années 80. Explique-nous un petit peu pourquoi. Ben, en fait, c'est un film sportif... Là où tout le monde pourrait s'attendre à un film de baston, c'est vraiment un film sportif, à la Rocky, qui, comme Rocky, va présenter ce qu'on appelle un underdog, qui va grandir à travers le sport. Donc, pour expliquer ce qu'est un underdog, en fait, c'est un terme qui vient des combats de chiens au 19e siècle, où tout simplement les chiens qui gagnaient ce genre de compétition étaient appelés des top dogs, donc ceux qui perdaient ou qui étaient voués à perdre, on les appelait les underdogs. D'accord. Et le concept de underdog a pris beaucoup de valeur durant la Grande Dépression, où tout simplement les gens, comme ils n'avaient plus d'argent, plus grand chose, ils ont retrouvé de l'espoir en voyant des underdogs réussir à gagner. C'est notamment l'histoire du cheval Seabiscuit, dont il y a eu un film de tiré. On a aussi donc Cinderella Man, qui part aussi d'une histoire vraie d'un boxeur qui n'avait rien pour gagner et qui, durant la Grande Dépression, a enchaîné victoire sur victoire pour pouvoir sauver sa famille. Et qui a apporté de l'espoir à toute une frange de la population qui était totalement désabusée par ce qui arrivait aux États-Unis. Le underdog, c'est vraiment un concept typiquement américain, d'accord, mais qui fonctionne partout dans le monde. D'accord, parce qu'on a tous. Je ne connaissais pas du tout ce terme de underdog. Ouais. On a tous envie de voir les losers gagner, quoi, au final. Oui, c'est vrai qu'on a tout de suite une affection pour eux, en fait. On aime bien ils sont faillibles. Les outsiders, quoi. Ouais. Et donc le personnage de Daniel est clairement un underdog. C'est un personnage assez emblématique des programmes des années 80. C'est un jeune issu de famille monoparentale, ce qui commençait à se montrer de plus en plus fréquemment, que ce soit à la télé ou au cinéma. Par exemple, Ricky ou la belle vie, qui vit seul avec son père. Madame est servite. On a d'un côté Samantha Micheli qui vit seul avec son père. Et on a donc Angela Bowers, la femme qui va les recueillir, qui vit seule avec son fils. On a dans Commando, toujours en restant sur Alyssa Milano. Oui. On n'a aucun signe d'existence de la mère. Arnold et Willy, une famille recomposée. Punky Brewster, une gamine qui a abandonné dans la rue. C'est vraiment, on avait une perte de repère familial à l'époque et les médias s'en sont emparés pour en parler. On avait des jeunes qui étaient vraiment à la recherche de repères. Et là, c'est clairement ce qu'on a avec Daniel, où c'est un jeune qui n'est pas facile à vivre. Ah bah c'est... clairement, oui, il est même plutôt colérique, il part en vrille tout de suite, enfin c'est... Moi il m'a fait penser aux personnages comme ils étaient décrits dans les films de la Amblin, donc comme par exemple les Goonies, il est pas parfait, son langage est plutôt fleuri on va dire, c'est une grande gueule, un peu mythomane, il est lâche, mais il reste quand même toujours attachant. Oui, justement, parce que peut-être qu'il nous ressemble un petit peu plus finalement, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un de normal. Oui, tout à fait. Ouais. Et le truc, c'est que le choix de casting était super important parce que Ralph Macchio, qui a quand même 22 ans quand il joue le rôle d'un gamin de 16 ans... 22 ans ? Ah oui, il fait pas 22 ans. Non, on lui donne clairement 16 ans. Loin des films de maintenant où pour jouer des adolescents, on va prendre des types de 30 ans. Oui, plutôt. Pour qu'ils aient déjà des pectoraux et des abdominaux, quoi, en fait. Voilà. Clairement, on a réellement quelqu'un qui ressemble à un adolescent, qui a un tempérament d'adolescent, et ça rend tout ça crédible. Quoi. Pour moi, c'est clairement un film qui est emblématique des années 80, mais surtout, c'est un film qui a bouleversé beaucoup de choses. C'est un film assez novateur, n'est-ce pas, Yetcha ? Oui, tu as tout à fait raison, parce que film novateur, pourquoi ? Alors, on va se remettre un petit peu dans le contexte. On est en 84, enfin au moment de la sortie, parce que c'est 83 plutôt pour le tournage aux États-Unis. Les arts martiaux au cinéma, aux États-Unis donc, c'est Black Belt Jones, Black Samurai, American Ninja, American Warrior, et un peu plus tard, on a Kickboxer, Best of the Best. On est vraiment dans le côté tournoi, les gros bourrins qui partent entre guillemets à la guerre. C'est tout de suite, l'art martial va servir à se friter, quoi. C'est clair, c'est pour se battre, pour combattre. Alors qu'en Asie, on a plutôt, depuis les années 70, on a plutôt Bruce Lee, on a la 36e chambre de Shaolin, on a les débuts de Jackie Chan avec une approche plus comique mais toujours assez respectueuse de l'art martial et de sa philosophie, et il va y avoir par la suite les volets suivants de la 36e chambre de Shaolin, les arts martiaux de Shaolin avec Jet Li qui va s'imposer comme star et qui va un peu pallier la disparition prématurée de Bruce Lee. Début 80, on va avoir des films comme Zhou, les guerriers de la montagne magique qui provoque l'avènement en fait du Wujiapian. Le Wujiapian, c'est littéralement, ça veut dire film de héros martial en fait. Et ces Wujiapian, alors qu'ils sont en train de monter en flèche dans les années 80 dans les pays asiatiques, ils vont arriver qu'en 2000 et être reconnus qu'en 2000 avec Tigre et Dragon par le grand public en Occident, quoi. Oui, parce que faut bien le préciser, par le grand public, parce que les amateurs de films d'arts martiaux, on était très nombreux à cette époque. Et déjà, des titres comme Le Sabreur Manchot étaient ouvertement cultes ici. Ah oui, bien sûr. Moi, c'est vrai que moi aimant ce genre de film, j'ai découvert les Wujiapian assez tôt et je connaissais déjà longtemps avant Tigre et Dragon, mais c'est vrai que le grand public n'a découvert ça qu'en 2000. Oui, il a mis un coup de projecteur dessus. Oui, voilà. Et c'était plutôt une bonne chose d'ailleurs, parce que c'est un soi-disant un bon film d'ailleurs. Hein, soit dit oui, en passant. Je suis pas fan. Hein. Oh, moi, je trouve qu'il est pas mal fait. En plus, il y a mon acteur préféré dedans, Chow Yun-fat. Alors, bon. Ah oui, j'adore Chow Yun-fat. Hein. Il faut reconnaître qu'il a pas joué que dans des bons films. Non, mais moi j'aime bien cet acteur. Il fait aussi bien le comique que le tueur. Enfin, bon. Le sujet n'est pas là, en tout cas. Voilà, il y a vraiment un regard différent sur les arts martiaux en Occident, on va dire, et en Orient. Voilà, pour faire un petit peu simple. Et donc finalement, Karate Kid s'inscrit clairement en porte-à-faux dans les films issus des États-Unis, en abordant les arts martiaux avec une façon un peu asiatique. Il va voir un peu l'art de vivre, le respect de l'adversaire, pas la bagarre à tout prix. Il traite le karaté comme un art martial et pas comme un sport de combat. Voilà, c'est là la différence majeure. D'ailleurs, Miyagi parle bien que il n'y a pas de ceinture. Lui, il s'en fiche des ceintures. Il parle que lui, quand on lui demande ce qu'il est comme ceinture, il lui répond que c'est une ceinture en cuir, très bon marché. Voilà. Lui, les ceintures, il ne les connaît pas. Alors que c'est vrai qu'en Occident, on va classer les combattants avec leur niveau, la ceinture noire, les premiers dan, le deuxième dan, etc. Il y a toujours une idée de compétition et de combat, quoi, qu'on n'a pas vraiment sur la vision asiatique. Et alors, pour continuer sur cette inspiration du cinéma asiatique. On voit par exemple dans la 36e chambre du Shaolin, il y a le héros qui observe les moines travailler dans le monastère avec des barils d'eau, ils font des exercices de musculation et de renforcement. Il faut peut-être expliquer un peu ce que c'est que la 36e chambre de Shaolin exactement. Alors vas-y, je t'écoute, c'est une bonne Donc, remarque. c'est une trilogie de films qui date des années 70, début des années 70, normalement. Je le dis vraiment de mémoire, hein, là. Et donc, qui met en scène Gordon Liu, qui est donc une méga vedette des films de cette époque, qu'on a vu notamment dans Kill Bill. Et donc, la 36e chambre de Shaolin, c'est tout simplement le secteur laïque de Shaolin. Donc, le Shaolin est un monastère, donc Oui. dédié à Bouddha, et seuls les moines étaient censés pouvoir apprendre le kung-fu. Et donc, la 36e chambre, c'est une chambre laïque où donc quelqu'un qui n'est pas un moine bouddhiste va apprendre le kung-fu auprès d'eux. Et tout simplement, il le fait pour essayer de sauver les gens, mais comme ils n'ont pas le droit, donc il crée spécifiquement une sorte d'entraînement où tout va se faire par l'observation et des travaux, on va dire, très communs au jour le jour. Notamment dans le retour à la 36e chambre de Shaolin, où Gordon Liu va passer tout le film à faire un échafaudage le long d'un mur et l'enlever, puis en refaire, et ainsi de suite. Et ça va durer pendant plusieurs années. Pendant qu'il fait son échafaudage, il observe les moines Shaolin s'entraîner. Et sans s'en rendre compte, par l'observation, il aura appris les techniques. Et il s'en rendra compte une fois qu'il sera mis à la porte de Shaolin, parce qu'il saura tout sans le savoir. Oui. Ouais, on retrouve ces exercices avec des mouvements finalement entre guillemets naturels, quoi, du renforcement musculaire dans les activités du quotidien, quoi, Oui, avec l'observation du monde, de la nature, et puis des autres aussi, pratiquants, quoi. non, et tout à fait. Et là, dans Karate Kid, c'est tout ça est mis en exergue avec la fameuse séquence du cirage, ponçage et compagnie, Oui. qui est vraiment une séquence emblématique du film. C'est l'un des trucs, je crois, le plus marquant. Ah bah oui, on a tous retenu ça, hein. Et moi, ce que je trouve remarquable, en fait, c'est le regard de Daniel quand il découvre qu'il a appris le karaté sans s'en rendre compte. La fameuse séquence où justement il pète un câble et donc s'engueule avec Maître Miyagi, et que Maître Miyagi va lui montrer par A plus B qu'il lui a appris le karaté. Il y a une incompréhension et une magie dans son regard qui est absolument incroyable. Oui, c'est vrai. Ça fait 4 jours que je me casse le cul et j'ai toujours rien appris. Beaucoup appris. Tu parles, j'ai appris à poncer les planches, à laver vos voitures, à repeindre vos maisons et vos palissades. Eh ben, ça me fait une belle jambe. Pas se fier aux apparences. Eh ben, j'en ai ras-le-bol, je rentre chez moi. Alors, on a des choses comme ça aussi où il faut donc passer son temps à observer les choses. On peut citer Bruce Lee dans Opération Dragon, qui à un moment il donne un cours à son élève et il dit à son élève pour frapper du pied qu'il faut donner une complète tension émotionnelle, il faut pas penser, il faut sentir. Il dit que c'est comme si tu regardais un doigt pointé en direction de la lune. Surtout, ne concentre pas ton attention sur le doigt, sinon tu passeras à côté de toute la splendeur céleste. Il lui demande s'il a compris. L'élève salue le Bruce Lee, puis il lui met une petite claque. Et Bruce Lee ajoute que il ne faut jamais quitter son adversaire des yeux, même quand tu le salues. Et en fait, Miyagi reprend ça aussi dans le film, Oui, tout le à fait de fait. ne pas quitter l'adversaire des yeux pendant le salut. Donc, on a vraiment aussi là un parallèle. Une fois de plus avec le cinéma asiatique et Bruce Lee particulièrement. C'est vraiment intéressant. Donc c'est vrai qu'on a un héros qui est ordinaire et plutôt même un personnage rejeté et il va au travers des arts martiaux se faire respecter, prendre confiance en lui, tout en évitant les combats au maximum et en suivant des règles établies, quoi. Et je trouve qu'on a aussi ce départ du héros de l'est vers l'ouest. On a aussi dès le début donc il quitte le New Jersey pour aller en Californie, on a aussi cette volonté de changement, en fait. Ça fait penser un petit peu à la ruée vers l'Ouest du 19e siècle, avec une volonté de changement qui Ben, apparaît dès le même début du plus que film, quoi. ça, on parlait des contestations qui étaient faites dans le film au début, Oui. le côté social, et tout simplement, la raison pour laquelle ils partent, c'est pour avoir une vie meilleure. Oui. Donc c'est vraiment la ruée vers l'ouest pure et dure, où les colons avaient quitté l'est pour essayer de conquérir le maximum de territoire pour avoir une meilleure vie. Là, la mère de Daniel essaye exactement la même chose. Ah bah oui, Et complètement. au-delà de ça, on peut même y voir une deuxième référence à l'Asie, où tout Oui. simplement, moi, ça m'a fait penser au grand classique de la littérature chinoise, L'Odyssée vers l'Ouest, qui raconte tout simplement le voyage d'un moine bouddhiste, Tripitaka, qui va voyager pour aller en Inde chercher une connaissance. D'accord. Mmh. C'est vraiment un grand classique qui a juste inspiré Dragon Ball, pour la petite explication. Mmh. Oui, non, c'est un vrai, vrai grand classique de la littérature fantastique chinoise. À mon avis, ça a servi d'influence aussi. D'accord. Et est-ce qu'on ne peut pas rapprocher encore ça avec le concept du underdog ou des choses comme ça, non, finalement, par rapport à... Ben oui, bien sûr, d'une certaine manière, parce que là on parlait du concept d'underdog, oui. Au-dessus, c'est clair, c'est Rocky qui a initié le mouvement. Le premier film dont tout le monde va penser quand on lui parle d'un loser qui devient un vainqueur, c'est Rocky. Oui, c'est vrai. Mais Karate Kid, pour moi, a pérennisé le système. Le truc, c'est que voilà, Karate Kid, c'est un film familial, où vraiment on peut le regarder malgré le langage un peu fleuri des personnages et certaines scènes, où si on y fait attention en tant qu'adulte, ça va nous gêner, mais les gamins, ça passe, ils s'en rendent pas compte. Honnêtement, moi, gamin, j'ai jamais percuté que Johnny allait rouler des pétards dans les chiottes. Moi non plus. Moi, je croyais qu'il allait fumer, tout simplement, des cigarettes. Non, là clairement, on comprend maintenant, mais à l'époque... Mais le truc, c'est que Rocky restait quelque chose d'ultra sérieux. Oui. Là, c'est vraiment un film familial qui est fait pour être vu avec des jeunes et par des jeunes. La saga Rocky, après le premier épisode, elle perd rapidement ses repères de film underdog. Rocky devient rapidement un véritable héros, une bête imbattable, limite qu'on appelle en dernier recours, comme dans Rocky 4. Ah, je croyais te dire comme dans Capitaine Flamme, parce que aussi en dernier recours, c'est Capitaine Flamme. Mais le succès public de Karate Kid, qui reprend exactement la même formule que Rocky, d'ailleurs, on peut signaler que beaucoup de monde de l'équipe de Karate Kid est la même équipe que Rocky, c'est à la vrai, base. Entre le réalisateur et le scénariste. Et le musicien. Scénariste, mais le musicien. Et puis même au-delà de ça, t'as pas mal de monde qui travaille dans l'équipe technique, qui venait de Rocky. D'accord, ouais. C'est vraiment un successeur spirituel pour les jeunes de Rocky. Et le succès public, il montre que cette formule, elle marche. Et ça va lancer toute une série de films de ce genre. Il y a eu déjà des expériences avant, je pense notamment à Bad New Bears, qui est un film de 1976. C'est quoi ce film ? Je connais pas du tout. Donc c'est un film sur une équipe de baseball formée de tous les ratés qui ont été éjectés des autres équipes et qui va commencer à gagner victoire sur victoire par la suite parce qu'un entraîneur a décidé de s'intéresser à eux. Il y a eu un remake qui a été fait il y a quelques années. C'est vraiment un film ultra culte aux États-Unis et chez nous, Ça date de quand, ça ? C'est un film de... 76. 76, d'accord. Ah oui, sinon, je connais pas du tout. Dans ce style-là, par la suite, après Karate Kid, on va trouver plusieurs films d'underdog qui auront plus ou moins de succès à l'international. Je pense, dans les gros succès, à Star Rocket. Ah oui, bien sûr. Qui est clairement un film d'underdog. Je pense aux Indians, qui est un peu moins connu, toujours sur le baseball. Ouais, c'est avec Charlie Sheen, ça, c'est pas ça ? Charlie Sheen et celui qui joue dans Demolition Man, j'ai oublié son nom. Ouais, c'est Snipes ? Oui, mais là, il est tout fin, il pèse le quart de ce qu'il est dans Demolition Man. D'accord, il n'avait pas pris encore d'anabolisant. Voilà. je me rappelle de ce film-là, oui. Et dans le registre des films qui sont cultes qu'aux États-Unis, on a les Mighty Ducks, qui est donc un film sur le hockey. D'accord. Et The Sandlot, qui est un film sur le baseball, qui sont vraiment deux films pour la jeunesse pure et dure, et qui sont ultra cultes aux États-Unis. D'accord, et donc on retrouve quand même ça, ce phénomène de underdogs, même dans les sports d'équipe, quoi. Finalement, voilà, tout à fait. Le même principe. Et j'ai une conviction, mais sans en avoir la certitude, c'est que ça a même influencé le Japon. Il faut savoir que Karate Kid a eu énormément de succès au Japon, où il a été renommé Best of Kid. Et le truc, c'est qu'avant, on prend dans les œuvres jeunesse, donc surtout en manga, on avait pas mal de mangas sportifs avant l'arrivée de Karate Kid. Je pense notamment à Captain Tsubasa, plus connu chez nous comme Olivier Tom. Oui. Attacker You, donc Yann et Serge. Ou Attack Number One, qui était connu chez nous en France sous le nom des Attaquantes. Alors du coup, ces choses-là sont arrivées un peu plus tard par contre en France. Non, sont arrivées largement avant Karate Kid. En France. Non, au Japon. Non, elles ont été créées avant, quoi. Mais c'est pour ça que je te disais, en France, elles sont arrivées plus tard. Donc au Japon, ça date de quand, alors 81 pour Olivier Tom. Oui. 84 pour Jeanne et Serge. Et Attack Number One, ça doit être dans les années 70. D'accord. Oui, donc c'est vraiment... Et le truc, c'est que ces œuvres-là, ça montrait surtout des génies qui œuvraient dans le sport et qui rencontraient d'autres génies. Mm-hmm. Et après l'arrivée de Karate Kid, on constate de plus en plus de séries où c'est vraiment des underdogs purs et durs. Je pense à Slam Dunk, qui est donc une série sur le basket. Basket. Où donc c'est un jeune loubard qui va découvrir le basket pour plaire à une demoiselle. Il a des aptitudes, mais il ne comprend rien à ce sport. Je pense à Hajime no Ippo, qui est donc une œuvre ultra culte qui a commencé dans les années 90 aussi, et qui continue encore de nos jours, qui est donc sur la boxe, un jeune boxeur qui est en fait un jeune martyrisé, un peu comme Daniel, qui va décider de se mettre dans la boxe pour essayer de comprendre ce que c'est qu'être fort, et qui va vraiment suivre un parcours incroyable, quoi. Et il y a de plus en plus d'œuvres comme ça qui semblent arriver après l'arrivée de Karate Kid. D'accord. Je pense comme je le disais plus tôt, la recette de l'underdog, ça marche au niveau mondial. On retrouve, oui, c'est le concept du, comme on disait tout à l'heure, de l'outsider qui, justement, parce qu'il est l'outsider, on veut le soutenir, on veut qu'il réussisse pour émonter et puis battre le champion, quoi. Voilà, c'est ouais, ça, le champion en titre. Fait. Donc c'est vrai que sur ces plusieurs aspects-là, on a vraiment en effet un film qui est novateur et qui casse un peu les ficelles habituelles des films états-uniens, quoi. Mais alors, on a aussi un autre aspect finalement dans Karate Kid qui est plus celui d'un film, alors qu'on pourrait ne pas y penser forcément au premier abord, un film engagé. Alors... Ah oui, tout à fait. Déjà parce qu'il a le courage de parler de harcèlement scolaire et de violence. Mais habituellement, quand on parlait de personnages underdog qui subissaient du harcèlement scolaire, on les traitait souvent comme des marginaux. Oui. Un peu comme toi qui es fan de John Hughes dans Breakfast Club, oui. Le personnage joué par Ali Sheedy, qui est vraiment une marginale pure et dure. Limite, elle ferait peur à tout le monde. Pourtant, elle subit un harcèlement scolaire du fait de son exclusion. Mais la différence dans Karate Kid, c'est que là, on va pas hésiter à te montrer la violence scolaire à l'état brut. Daniel San en prend plein la tronche. Ah bah oui, là, pour pas un rond, quoi. C'est sans arrêt, quoi. Chaque scène, quasiment, il se fait roi de coups. C'est violent, quoi. Et là, on a déjà quand même un certain engagement en disant, ouais, le harcèlement, c'est pas une bonne chose, la violence n'est pas une bonne chose. Ça se remarque surtout dans le tournoi final, où on a donc la fameuse scène où Chris demande à son... Ah bah oui, demande... En demi-finale. Ouais, en demi-finale, voilà. à le blesser. À son élève de lui casser la jambe ou je sais pas quoi, enfin... De lui faire mal, de faire un coup bas et d'être éliminé, quoi. Ouais. Et le truc, c'est l'incompréhension qu'on trouve dans le regard du reste du Cobra Kai, donc le fameux club où sont inscrits Johnny Zabka et compagnie, William Zabka, donc Johnny Lawrence, je veux dire. Oui. J'ai fait un compromis, ça, plus. Donc, ils ont un regard d'incompréhension qui est absolument ahurissant. Bah oui, parce qu'ils trouvent que... Enfin, eux-mêmes se rendent compte que ça va trop loin, voilà. La scène où Chris attrape Johnny Lawrence et lui dit « casse-lui la jambe », cette scène-là, le regard qu'a donc Johnny Lawrence, oui. Il est terrifié par ce qu'il entend, quoi. Il comprend que ça va beaucoup trop loin, même s'il obéit à son sensei, parce qu'il est censé obéir à son sensei, il a peur de ce qui est en train de se passer. Et la plus belle victoire, c'est vraiment la manière dont il donne la coupe après la victoire de Daniel, en lui disant « t'es un grand », quoi. Oui, c'est vrai qu'on entend bien cette petite phrase où il le félicite et lui dit que t'es Vraiment, il est brisé. Excusez-moi du terme, c'était un petit con fini tout le long du film. Oui, carrément. Et là, son personnage est totalement brisé parce qu'il a vécu. C'est pas le combat qui l'a brisé, c'est la violence de son maître. Et c'est une manière, à mon avis, de dire que la violence, c'est un cercle vicieux. Et que voilà, ils sont laissés entraîner sur une démarche qui n'était pas bonne à cause de crise de leur entraîneur. Ouais, tout à fait. Comme le dit Maître Miyagi, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais entraîneurs. Ouais, c'est un peu la même chose avec des chiens. Hein. Il n'y a pas de chiens méchants, il n'y a que des maîtres. Des mauvais maîtres. Qui les font devenir méchants. Hein, donc, Mais là-dessus aussi, on peut rajouter une scène qui passe inaperçue. Honnêtement, peu de gens la voient. C'est la scène. Je sais quelle scène dont tu veux parler. Tu es sûr? Oui. Bon. Eh ben, tu trompes. Moi, je parle de la scène où Daniel est en train de parler à sa mère dans le restaurant. Alors, Daniel est en train de parler à sa mère dans le restaurant. Il a été voir le Cobra Kai, le dojo de, où il voulait s'inscrire, mais oui. Où il a retrouvé donc, ses agresseurs habituels. Oui. Et il est en train de discuter avec sa mère de différentes choses, notamment du fait qu'il a rencontré une fille qui lui plaît beaucoup, qu'elle est tout simplement belle. Et en fait, en fond d'écran, c'est un truc, personne fait attention à ce qui se passe derrière. Mais il se passe énormément de choses dans cette scène-là. Ah ben non, alors je vois pas. En fait, on voit donc Johnny Lawrence et sa clique sortir du dojo en civil. On en voit un commencer à s'éloigner des autres pour rejoindre son véhicule. Et voir, en fait, par la vitrine, la présence de Daniel. Oui. Et donc, il retourne chercher Johnny et tout le reste de la bande. Il le voit, il décide d'y aller, mais comme il voit qu'il y a la mer, il décide de reculer. Mais en fait, c'est que reculer pour mieux sauter, parce que la scène suivante, on voit que donc Daniel qui rentre en vélo, il se fait agresser directement sur la route comme ça, il se fait pousser par le reste de l'équipe. Mmh. Et c'est en fait cette fameuse scène qu'on ne voit pas, elle témoigne de la préméditation. C'était volontaire ce qu'ils ont fait, c'était une agression qui était calculée. Oui, ils ont... C'est pas un acte impulsif, c'est vraiment, ils l'ont suivi, quoi, ils l'ont traqué. Mmh. Et c'est vraiment pour... Il y a plein de petits détails comme ça qui montrent tout ce que pensent Avidson et Kamen de la violence, que c'est de la pourriture. D'accord. Non, alors moi, tu as raison, je pensais pas à cette scène par rapport au fait que le film soit engagé. Je pensais plutôt à la scène où on a Miyagi qui est plutôt éméché, on va dire, et Willy une lettre. C'est vraiment une scène importante et parce qu'il est en train de alors, il est en train de chantonner. Alors, il chante ce qu'il appelle du blues japonais. Alors, en fait, c'est du Enka. Le Enka, c'est des chansons qui sont particulières au Japon, avec des sons très caractéristiques. Et il chante un bout, d'ailleurs, de Namida no Renrakusen, ouais. Ferry Boat of Tears, d'Omori Masako. Et donc, ça veut un peu dire ce que veut dire cette scène, et tu peux peut-être nous en parler plus en détail, Spades. En fait, ça montre que Karate Kid, c'est un film qui a beaucoup plus de courage que beaucoup de films soi-disant intelligents. Parce que, donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un gros amateur d'histoire. Et là, je vais vous faire un petit cours d'histoire. Donc, le 6 décembre 1941, vous savez tout ce qui s'est passé, donc l'attaque du Japon sur Pearl Harbor. Suite à ça, le gouvernement américain va placer l'ensemble de la population américaine d'origine japonaise sous la catégorie 4C, c'est-à-dire ennemi d'État. Ce qui veut dire que dès que tu es d'origine japonaise, tu n'as plus le droit de voter, tu n'as plus aucun droit civique. L'horreur, elle continue avec le 19 février 1942, où Theodore Roosevelt va signer ce qu'on appelle l'ordre 90-66, permettant à l'armée de transformer n'importe quel secteur de l'Amérique en zone militarisée et où toute personne pourrait voir ses droits civiques retirés. Ça a été juste l'occasion de regrouper plus de 110 000 Américains d'origine japonaise, notamment les deux tiers qui étaient nés sur le territoire américain. Oui. Bah dans ce qui n'est que des camps de concentration. Ça peut pas porter un autre nom, quoi. Ils ont beau appeler ça camp d'internement, dire que c'était pour les protéger du reste de... Oui. Je suis désolé, ils ont pas fait ça pour les ressortissants allemands, les ressortissants italiens. Ouais, il y a eu que les Japonais qui ont compris ça dans la gueule. Les conditions de vie étaient absolument désastreuses. Notamment dans le film, là, on te parle donc de la femme de Miyagi qui est morte en couche avec son enfant parce qu'il n'y avait pas de médecin. Ouais. Et c'est une réalité. Pour expliquer, donc, là où va encore plus loin la scène dans Karate Kid, c'est que Maître Miyagi porte un uniforme militaire. Oui, c'est vrai. Un uniforme américain. Et tout simplement, ça, c'est une autre partie de l'histoire qui est très importante. Donc, en gros, pour expliquer, il expliquait que Miyagi vivait sur l'île d'Hawaï. C'est là qu'il a rencontré sa femme dans un champ où elle cueillait du sucre. La population d'Hawaï, sachant que les deux tiers étaient d'origine japonaise, c'était difficile de tous les mettre dans un camp de concentration. Surtout que ça pouvait provoquer donc une faillite totale de l'économie de l'île. Donc ils ont plutôt évité de les foutre dans les camps de concentration. Mais suite à l'ordre de retirer tout ressortissant japonais des corps armés, le général Hammond de Hawaï va conserver à contre-cœur des Américano-Japonais dans deux régiments de la garde nationale, donc le 298e régiment et le 299e, mais il va retirer tous ceux de la garde territoriale, donc c'est un autre secteur militaire. Ceux qui vont se faire dégager de la garde territoriale vont pas être super d'accord sur le coup, donc ils vont lancer une pétition pour réclamer à Emmons, leur dire « on est américain, on veut participer à l'effort de guerre ». Et donc, cette pétition va passer, et ils vont devenir ce qu'on appelle le Varsity Victory Volunteer. Mais Emmons, toujours persuadé qu'il y avait un risque avec ces Japonais, ces Américains d'origine japonaise, demande à l'armée américaine de dégager tous les Japonais qu'il y a dans ces deux bataillons, et d'en créer un spécifique sur le continent, où ils pourront être mieux gardés, et puis éviter d'aider pour une invasion japonaise. C'est ce qu'on va appeler le 100e bataillon. Ce 100e bataillon, il va juste avoir des résultats absolument ahurissants. À côté de ça, le Varsity Victory Volunteer va montrer réellement son implication et va aider réellement. Du coup, le gouvernement décide de créer un régiment complet de volontaires d'origine japonaise dès le 1er février 1943. D'accord. Et donc, ce régiment-là de japonais ou de nippo-américains, ils vont être envoyés dans des endroits spécifiques pendant la Seconde Guerre mondiale ou... Tout à fait. Donc, ce régiment qu'on va appeler le 442e RCT, on se doute bien, vu leurs origines, qu'on ne va pas les envoyer dans le Pacifique combattre les Japonais. Oui. Donc, on les a envoyés en Europe. Et notamment, ils ont beaucoup contribué dans la campagne d'Italie, en France, notamment en sauvant le bataillon perdu dans les Vosges. Et ils vont aussi être sur le front allemand. Le 442e RCT, c'est pas un petit régiment de n'importe quoi. Il est connu sous le nom de Purple Hearts Battalion, en référence au nombre de médailles incroyables que reçut ce bataillon. 18 143 médailles au total. Ah oui, quand même. Le 442e RCT, c'est donc le bataillon le plus décoré de l'armée américaine de cette époque. D'accord. Et les États-Unis aujourd'hui le reconnaissent sans problème. Enfin, c'est quelque chose qui pose un problème. À l'époque où le film donc Karate Kid est sorti, c'était quasiment silence radio. Parce que le 442e RCT, ce sont des héros de guerre, mais ce sont aussi et surtout ce sont des victimes du racisme, dont l'engagement et la volonté indéfectible de prouver la valeur des ressortissants japonais en combattant au nom d'un pays qui enfermait les leurs, mais comme des chiens dans les camps de concentration, ça va être récompensé que très tardivement. Donc là, notamment dans Karate Kid, le maître Miyagi sort une médaille d'honneur, donc la fameuse Medal of Honor sur les 21 reçus. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, aucun membre du 442e RCT avait une Medal of Honor. Ça a été attribué qu'à partir des années 2000. Ah oui. Parce que tout simplement, dès le début des années 90, il va y avoir un mouvement de contestation parce que c'est pas normal que les médaillés soient plus facilement médaillés quand ils sont blancs que comme membres de minorité. Il y avait déjà cette contestation. Toujours le même problème aux États-Unis, souvent, et ailleurs d'ailleurs, sur la distinction entre les différentes ethnies. On a souvent ce problème-là dans plein de trucs. Mmh. D'accord. Et donc, le truc, c'est que là, Karate Kid, avec une scène qui est en apparence très simple, dit tout simplement, regardez ce qui s'est passé dans notre pays. Il y a un truc qui s'est passé, on n'y fait pas gaffe. D'accord. Non, c'est vrai qu'on ne fait pas attention. C'est vrai qu'on, si on ne connaît pas tout ça, ou si on ne creuse pas un petit peu la question... Ouais. J'avoue qu'on va pas du tout, on va passer complètement à côté du message. Après, ça va parler peut-être quand même plus à des gens qui connaissent un tout petit peu, on va dire, pour le coup. C'est vrai que sous ces aspects-là, en effet, on voit que Karate Kid est quand même un film... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, cette scène-là, les producteurs voulaient qu'elle saute du film. Ah oui, ils ne voulaient pas la mettre, parce qu'ils avaient peur d'un retour négatif, du coup, une censure. Disons, oui, voilà, c'est tout simplement ça. C'est que tout simplement, on n'a pas le droit de dire du mal de l'Amérique, surtout un film tout public. Et que donc le réalisateur du film s'est battu contre les producteurs en insistant pour que la scène, elle reste. D'accord. La scène est restée et c'est la raison pour laquelle Pat Morita a été nominé aux Oscars pour le meilleur second rôle l'année de la sortie du film. D'accord, il était nommé aux Oscars pour... Ouais. Il n'a pas gagné, mais il a été au moins nominé. Il a été au moins nominé, d'accord. D'accord. Bah écoute, donc on a vu ici, c'est vrai que finalement Karate Kid sous ses aspects, comme tu dis, film familial, un petit peu léger, etc. Bon, ça a finalement été un film, comme on a dit, novateur. C'était un film engagé, et on voit après finalement au travers de ces aspects-là et de sa réussite au box-office mondial, il a aussi, pardon, eu une influence importante sur la pop culture, parce qu'on retrouve quand même très souvent Karate Kid, une partie des dialogues, les personnages, le fameux coup de Daniel San à la fin pour gagner le tournoi, etc. Donc on retrouve ça dans plein plein de choses. Alors, on peut citer quelques petites influences comme ça. Il y a notamment la plus extraordinaire, moi je trouve, c'est un parti politique suédois, le Folkpartiet. Alors, excusez-moi pour la prononciation, je ne pratique pas le suédois couramment, qui donc en juin 2010, pour des élections, qui proposait un système de tutorat donc pour les jeunes arrivant sur le marché du travail. Et le slogan qui était au niveau de leurs affiches, c'était, alors je traduis, c'était sans Miyagi, pas de Daniel San. Le parti libéral qui frappe un grand coup pour les emplois d'apprentis pour les jeunes dans les premières affiches électorales. C'est quand même, voilà. Et 70% des gens interrogés ont trouvé que le slogan était très bon. Oui, mais Comme ça. quoi, on est quand même en 2010, Non, en Suède. puis Donc, ça montre aussi l'importance du personnage de Miyagi. Ah, mais complètement. C'est honnêtement, moi, quand tu me demandes deux mentors majeurs de la pop culture, je vais te citer forcément Obi-Wan Kenobi parce que t'es un peu obligé Oui. d'y passer, mais l'autre, c'est clairement Miyagi, quoi. Ah non, c'est incroyable, hein, je suis d'accord, l'image est vraiment claire et forte, quoi. Et donc, on retrouve d'autres influences. Alors, dans des publicités, il y a une publicité pour une télévision en Argentine, il y a une publicité pour TV Direct en 2004, il y a aussi des courts-métrages façon Minecraft qui ont été pris un petit peu à manière de Karate Kid. Il y a eu un Karate Kid façon Punjabi aussi. On vous mettra des liens dans le billet du cadeau bonus sur le site pour que vous puissiez aller voir tout ça. Et notamment également des références dans des séries, dans les Simpsons, dans les films de Tortue Ninja 2 également, dans Animaniacs. On a aussi dans Sesame Street, on a vraiment plein plein de séries, de films et autres médias qui reprennent toujours des choses de ce film Karate Kid qui montre l'influence vraiment importante qu'il a eue sur toute cette culture. Et alors, bon, finalement, globalement, qu'est-ce que tu penses de ce film? Si tu avais à faire une critique Spades, quelle serait-elle? Ce serait, c'est quoi? Tu conseilles Tout le film, etc. simplement, tout simplement, pour moi, c'est un film culte des années 80. C'est un excellent film. C'est vraiment, tout est maîtrisé, que ce soit la réalisation, le jeu des acteurs, le doublage français, qui est plus ou moins excellent. Je sais que tu n'aimes pas notamment la voix de Ali. Oui, ah oui, c'est vrai qu'elle est un peu gnangnan, je trouve, la voix, surtout dans sa façon de rire. C'est un Ouais, mais ça rajoute un côté mignon encore plus au personnage, je trouve. Donc, ce qui ne dessert pas du tout Elisabeth Chou, qui est juste sublime dans ce film-là. C'est vrai qu'elle est plus jolie que dans Retour vers le futur, hein, dans ce film. Mais c'est surtout pour moi ce que devraient être tous les films, tout public, un film qui est à la fois divertissant et intelligent. Un film qui s'embarrasse pas spécialement de prendre des gants quand c'est la peine de parler de choses sérieuses. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est pareil. Hein. C'est un film mythique. Hein. Et par l'empreinte qu'il a laissée dans la culture populaire, par l'influence aussi qu'il a eu sur moi personnellement, parce que finalement, j'ai découvert quand j'étais plus jeune, j'avais à peine 10 ans, et je me rends compte, en le revoyant, et ça fait ça à chaque fois, je me rends compte de l'influence qu'il a eue pour mon amour finalement du Japon, en fait, des traditions japonaises, Tout à fait. des bonsaïs, des arts martiaux, de l'histoire, de la culture, enfin de plein plein de choses. Ces suites aussi vont m'apporter un petit peu, surtout le 2, vont m'apporter aussi ce goût du Japon que j'ai eu à l'époque et que j'ai encore aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a beaucoup joué dans mon amour de l'Asie ce qui extrême est orientale, on va dire. ce qui est surtout remarquable pour ça, c'est quand même l'acteur japonais Oui. n'avait jamais connu le Japon avant de faire le film. Oui, et puis, bah oui, Là, on il parlait est, des c'est un état julien, de toute façon, c'est vrai. on parlait des camps de concentration juste au-dessus. Il faut savoir qu'il a vécu dans ces camps-là jusqu'à l'âge de 12 ans. Oui, donc là, quand même, il a connu des aspects plutôt négatifs, on va dire, Voilà, mais la même comme chose. ça, il a toujours conservé un amour pour l'Amérique. Oui. Pat Morita s'est toujours fait appeler Pat Morita pour sa carrière. Il faut savoir qu'en fait, voilà, c'était l'un des trois grands acteurs asiatiques de cette période-là. On avait donc George Takei qui jouait Oui. dans Star Trek. On a Sulu. Mako qui jouait dans un peu tout ce qu'il fallait où il y avait un Asiatique, c'était lui qui s'y collait les trois quarts du temps. Donc on va citer les Conan et aussi, comment ça s'appelle, Hawaii Police d'État. Ah oui, il y a eu aussi Kariro Yukitagawa qui a joué assez régulièrement dans pas mal de films. Oui. Mais voilà, Pat Morita, il jouait notamment dans Happy Days. On Oui, peut bien pas ne pas sûr. le citer. Oui. Et le truc, voilà, c'est que pour lui, c'est un Américain pure souche, Ah ben complètement. En malgré plus, ses origines. Et là, c'est Karate Kid, c'est le seul film où il va se présenter sous son nom, son prénom japonais, Noriyuki Pat Morita. d'accord. En plus, il faut préciser qu'il ne pratique pas du tout les arts martiaux. Hein. J'ai Non, découvert non, ça. aucun ne pratique les arts martiaux. Voilà. C'est justement la décision de Avildsen de faire des cadrages hyper larges pour forcer les acteurs à prendre les bonnes postures pour les scènes. Ouais. Et ça donne toute la crédibilité Et aussi c'est au film, complètement. Oui, quoi. voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est complètement crédible, quoi. C'est ça qui Et est assez incroyable, quoi. ce qu'il faut savoir, c'est que pour donc sa prestation de Maître Miyagi, donc Pat Morita s'est en fait inspiré de celui qui est de son doubleur, qui était Ah oui? donc qui était donc un maître de karaté japonais, et notamment c'est lui qui fait la scène de l'agression des squelettes. D'accord. Le truc, c'est qu'il a en fait passé énormément de temps avec son dou avec son Sa doublure? Sa doublure, voilà. Du coup, il a appris au fur et à mesure ses mimiques, sa façon de parler, sa façon d'agir et compagnie. Et c'est tout ça qui déborde dans sa prestation, quoi. Encore l'observation, une fois de plus, Voilà, tout à fait. du maître, on va dire. Ah, tout à fait, oui. Alors, est-ce que tu aurais sur ce film quelques anecdotes croustillantes à nous donner, Spade? Oh. Bon, quelques-unes. Donc, déjà, en fait, la chanson du film, You're the You're the Best. Best, Ah ouais, par elle Joe Esposito, c'est trop qui bien est ça. donc la chanson qui passe lors du combat, Ouais. lors du tournoi de la vallée. Elle est vraiment, je trouve qu'elle est super dynamique, elle motive, enfin on est en transe quand on Voilà, regarde ces et images et elle qu'il y a est la limite chanson, quoi. emblématique du film. Oui, Pourtant, elle n'a oui. pas été écrite pour ce film-là. Elle Ah a bon? été écrite pour Rocky III. Ah oui, pour Rocky Oui. III. Mais bon, les producteurs de Rocky III ont préféré prendre Eye of the Tiger de Survivor en lieu et place. Bon, ouais, c'est... On peut Bon, on n'a pas pas perdu non au change dans plus... Non, Rocky non, III. je veux dire, Voilà. ça déchire, Voilà. d'ailleurs. Mais dans les autres points marrants, c'est que donc ces fameux Survivor sont aussi présents dans Karate Kid où ils jouent le titre, l'une des chansons-titres du film, The Moment of Truth. Ah, d'accord. Qu'on va s'en écouter un petit extrait, histoire de. Ah ben, carrément, on écoute ça. Dans les anecdotes, Oui. on a donc Kyle Eastwood. Si le nom vous dit quelque chose, c'est normal. C'est que c'est C'est le le fiston. fils du fameux Clint avait auditionné pour jouer le rôle de Daniel, mais donc il a été refusé. Et Et ben il devait papa, vraiment pas être bon parce que son père avait quand même un peu le bras long. Hein, oh, il avait du poids, oui. Il devait vraiment être très mauvais, je pense. Bah, d'ailleurs, sa carrière qui a suivi... Oui, elle parle pour son talent. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Ça ne veut rien dire. Hein. Des fois, des acteurs pas connus sont très bons. Hein, mais... Oui, mais bon, les fils et filles de quelqu'un de connu, s'ils n'arrivent pas à percer, c'est que quand même, vraiment, ils ne sont pas bons. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent à percer et pourtant, ils sont mauvais. Oui, mais là, le papa, il n'était pas content du tout hein, que son fils ait été refusé. Donc, vu que Columbia, qui produisait le film, appartenait à Coca-Cola Company, et ben depuis ce jour-là, tous les produits Coca-Cola sont interdits sur les plateaux de Clint Eastwood. Ah oui, d'accord, carrément. Il est revanchard, le monsieur. Il met du Pepsi à la place ou quoi? Oh, certainement. Ah oui, c'est étonnant, ça. Sinon, une autre anecdote que j'ai trouvée assez intéressante, c'est que donc le 29 juillet 1994, donc très longtemps après le film, hein, 10 ans, un prof de karaté du nom de Bill Clemente porte plainte contre les trois films Karate Kid pour violation de copyright. Ah bon, c'est lui qui avait réalisé le film ou non? Enfin, je sais pas, il avait déjà fait un film Du tout, en fait, il soutenait que le personnage de Daniel était inspiré par lui. Ah. Donc, pour expliquer, dans les années 60, il avait ouvert un dojo alors qu'il avait que 17 ans. Et Robert Kamen, donc le scénariste du film, était venu le voir dans son dojo avant d'aller s'inscrire dans un dojo rival qui était donc tenu par Ed McGrath, que Kamen a toujours certifié avoir servi de modèle au personnage de Chris. D'accord. Donc, le dojo de Dick Clemente qui s'appelait The Karate Kid, donc en 1965, hein, je parle là. Ah oui. Ça prouverait que ça soit vrai, mais Kamen s'en est toujours défendu et Columbia a gagné le procès. La cour a estimé qu'il n'y avait pas de violation de copyright, et surtout qu'il n'y avait rien de négatif vis-à-vis du personnage de The Karate Kid. Pour le dojo de Clemente. Oui, alors c'est vrai que c'est pas forcément négatif. Peut-être au contraire, ça aurait pu lui faire de la pub, mais en tout cas, c'est quand même... ça fait des coïncidences un peu curieuses, quand même. C'est bizarre. Surtout que voilà, ils étaient tous du même quartier, c'était dans le Bronx. Ouais, donc bon, enfin bon... On peut tabler que ça soit la vérité. Hein, mais en tout cas, c'est intéressant, oui, comme remarque. D'accord. Et donc, comme dernière anecdote que j'ai retenue, Ralph Macchio qui joue Daniel et William Zabka qui joue Johnny sont pas partis les mains vides du tournage. La fameuse Ford Super Deluxe 1948 jaune, oui. Qu'il a passé beaucoup de temps à tirer, illustrer, elle lui a été offerte. Ah, bah c'est bien, au moins il l'a pas tiré illustré pour rien. Voilà. Et William Zabka, lui, est reparti avec la veste super cool de Johnny. Ah oui, je vois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 30 ans après, ils les ont toujours. Ah oui, donc je pense que ça, c'est quelque chose qui, un jour, si ça se retrouve sur les marchés de vente aux enchères, ça va faire mal. Faut savoir que William Zabka donc a pas eu une grande carrière au cinéma. Mais il y a quelques temps, il est revenu à la télé donc dans la série How I Met Your Mother. D'accord. Où il jouait son propre rôle de William Zabka. Mm-hmm. Et le truc, c'est qu'il a débarqué avec sa veste rouge de l'époque. Et voilà, il y a même Ralph Macchio qui était venu faire un petit caméo comme ça. Non, ça montre l'attachement qu'ils ont eu pour ce rôle-là. Pour ce rôle, ouais, d'accord, tout à fait. Moi, ce que je dirais, c'est que ce Karate Kid, qui, avec toute l'influence qu'il a eue sur tout ce dont on a parlé là, pendant le cadeau bonus, il a forcément amené des suites et un remake. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu un Karate Kid 2, 3, un Miss Karate Kid, ou parfois nommé Karate Kid 4, et un remake. The Next Karate Kid. Ou The Next Karate Kid en anglais, exactement. Et un Karate Kid en 2010 qui était carrément une sorte de remake, oui, on peut dire une sorte de remake. Bon, alors pour en parler rapidement, le Karate Kid 2, c'est vraiment la suite du premier, c'est-à-dire que on revoit même les quelques minutes de la fin du tournoi, et ensuite ils partent au Japon pour découvrir un petit peu plus de sur l'histoire de Miyagi. Et puis du coup, Daniel-san découvre aussi là-bas un petit peu l'amour hein, et rencontre une certaine Kumiko, interprétée par le premier rôle d'ailleurs pour Tamlin Tomita, qui a eu une assez grosse carrière par la suite, une très très belle femme. Moi, je suis tombé sous le charme hein, quand j'ai vu ce film à l'époque. Et donc, on découvre plein de choses. On découvre beaucoup de traditions japonaises, le taiko. On parle aussi un peu de l'enka, des fêtes de l'obon, les fêtes des morts, la danse de l'éventail. Enfin voilà. On voit la cérémonie du thé aussi. Ils en parlent plusieurs fois. Donc, on retrouve encore beaucoup de choses liées au Japon. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aussi touché, beaucoup plu à l'époque dans ce Karate Kid 2. Alors, je suis plus mitigé quand même. Oui, après, c'est globalement, c'est un peu moins bon quand même. Hein, mais c'est même pas que ça soit moins bon, c'est que ce côté très japonais, en fait, c'est du Japon de carte postale. Ah oui. Là où Karate Kid était montrait vraiment un respect et un amour pour la culture asiatique. Oui, oui. Là, vraiment, on retombe dans les clichés, les travers. Il y a un peu de clichés, mais néanmoins, c'est des clichés qui sont assez comment dire assez originaux, c'est un peu bizarre de dire ça, mais disons que c'est pas, on va pas voir comment dire le japonais, on va pas voir des ninjas, c'est ce oui, que voilà. Je veux dire. Non mais voilà, voir du taiko, de l'enka, de la danse de l'éventail. Bon, alors avec la danse là, elle fait la danse de l'éventail pendant les fêtes de l'obon. Bon, c'est plutôt une danse qui est pratiquée par les geishas. Bref, mais cérémonie du thé qui prend un tournant un peu bizarre. Oui, voilà, la cérémonie du thé, on a l'impression que c'est presque des préliminaires sexuels, quoi. Bon, alors que c'est pas carrément ça. C'est pas du tout ça, quoi. Mais bon. Mais je sais pas, c'est des choses. Non, ça reste un bon film qui m'a laissé un bon souvenir. Mais un petit truc marrant à savoir aussi, c'est que la fameuse scène d'intro de Karate Kid 2, qui prolonge ce qui s'est passé, c'était la vraie fin du 1 qui a été retirée au dernier moment. Ah oui. Parce que les producteurs, au cas où le film marche, ils voulaient avoir ça plus ouverte pour pouvoir faire une suite. D'accord. Donc alors après ça, il y a eu un Karate Kid 3. Tu veux nous en parler un petit peu ou ça vaut pas le coup? Franchement, je le trouve pas. Ça reste un film correct, agréable à regarder. Ouais, c'est voilà, c'est toujours la suite. Hein, on file, ils repartent. C'est pas un bon film, quoi. Non, c'est pas terrible. Déjà, troisième film, troisième petite copine pour Daniel-san. Oui, alors ça, par contre, c'est scandaleux parce que Kumiko, on n'en parle plus jamais. C'est pas normal. Voilà. Non, franchement, c'est le mec qui change de copine comme de chemise. Il est amoureux à chaque fois, hein, c'est pour la vie. Alors, ce qu'il y a à noter dans ce Karate Kid 3, c'est qu'il y a Glenn Medeiros qui chante dans la boîte de nuit. Oui. Bon, et on le voit bien, hein, il est plusieurs secondes à l'écran, et puis on le reconnaît très bien, je ne me rappelais plus, c'est quand j'ai revu le film, je me suis dit, oh là là, mais c'est Glenn Medeiros. Donc bon, voilà, un petit clin d'œil, bon, c'est rigolo. Alors après, un petit peu plus tard, Karate Kid 3, on est en 89, si je ne me trompe pas. Parfait. Et après, il y a donc Karate Kid 4, Miss Karate Kid, The Next Karate Kid, plusieurs titres pour le même film en 93, avec un bon casting quand même, parce qu'il y a toujours donc Pat Morita, Hilary Swank qui joue la Miss Karate Kid, et Michael Ironside, quand même, donc des acteurs quand même assez solides, même si Hilary Swank est en train de connaître. Le type pour qui on a inventé l'expression badass. Ouais, mais il est égal à lui-même, Michael Ironside dans ce film. Moi, je trouve que le film, en fait, ce Miss Karate Kid, il reprend un petit peu les codes du premier. Ils ont essayé de reprendre vraiment la même recette avec une fille. Bon, ça fonctionne un petit peu moins bien, c'est un petit peu plus lourdingue. Ça fait très téléfilm. Oui, voilà. Même au niveau de la photographie, en fait, on sent le côté moins gros budget. Mais ça se regarde quand même agréablement. C'est pas je dis ça parce qu'il y a Hilary Swank. Ah oui, bah ça c'est sûr. Je dis ça parce qu'il y a Hilary Swank. Hein. On la regarde sur tous les plans avec grand, grand plaisir. Ça, c'est sûr. Et plus tard, en 2010, venu un petit peu de nulle part, Karate Kid en Chine. Avec le fils de Will Smith et Jackie Chan. Donc voilà, c'est alors. Moi, j'ai trouvé ça sympa aussi, parce que je trouve que c'est un remake du premier, ça devrait plutôt s'appeler Kung Fu Kid, parce que ça se passe en Chine. Mais la transposition en Chine, je trouve, est assez bien faite et bien trouvée. Elle reflète assez bien la vie là-bas, je trouve, en Chine. Je pourrais avoir des amis chinois et pourrais avoir eu l'occasion d'aller en Chine. Je trouve qu'on retrouve vraiment pas mal de choses qu'on peut voir en Chine. Au quotidien, donc je trouve que c'était pas mal. Non, c'est un film qui est bourré de bonnes idées. C'est agréable, oui, c'est agréable. La prestation de Jackie Chan est excellente. Oui, Jackie Chan. Surtout que c'est pas un acteur où on a l'habitude de le voir dans un rôle aussi sérieux. Oui, c'est vrai. C'est très rare qu'on le voit comme ça, et comme à chaque fois, il est épatant quand il fait ça. Absolument. Ça reste dans la logique de son kung-fu qui a toujours été très, en utilisant beaucoup les objets du quotidien. Donc, c'était logique que ça soit lui qui remplace Pat Morita. Oui. Après, la prestation de Jaden Smith, je suis mitigé, il n'est pas très bon. Non, Mais il il n'a passe jamais pas du été bon acteur, donc. physiquement, il est assez impressionnant quand même pour son Ouais, mais sport, tu sais. en termes d'actorat, je parle. Oui, bien sûr, bien sûr. Là où Ralph Macchio est bluffant dans certaines scènes, on ne trouve pas du tout la même qualité de jeu d'acteur. Ouais. Et Il est plus jeune aussi là. oui, mais c'est pas une excuse. Il a été pistonné par papa, qui était Oui, alors, producteur. non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, mais bon, il y a quand même une dizaine d'années d'écart Ouais, également. non, C'est pas pour le défendre absolument, mais je veux dire. je suis d'accord, mais des acteurs Voilà. mineurs qui étaient excellents, il y en Oui, avait plein. oui, oui. Il a eu le rôle juste parce que papa était Ah producteur. ben, mais bien sûr, on est bien Voilà, d'accord. le film est pas honteux, vraiment. Ouais. C'est un bon divertissement, mais comme tu le dis, voilà, le fait que le film s'appelle Karate Kid et qu'il fasse du kung-fu, c'est limite raciste, quoi. Je Oui, suis c'est désolé. vrai, c'est pour dire les Japonais, les Chinois, les Coréens, c'est tous des jaunes, quoi. C'est un petit peu ça Voilà, c'est qu'on un peu entend, ça. c'est Et le combat final, je trouve un peu qu'il a beaucoup facile. moins, il a beaucoup moins d'impact que dans le premier film. Ouais. Il faut savoir que Will Smith, en fait, avait lancé la production de ce Karate Kid-là parce que son fils est fan du film original. D'accord, ah oui, d'accord, ça je sais pas. Donc Ok. voilà, c'était vraiment un cadeau qu'il faisait à son Il fils, faisait, pur et dur. ouais. Et alors, je crois qu'il y a également une série animée, Tout à Spades. fait. Parle-moi un petit Donc peu plus. il y a eu une série animée qui est sortie en 1989, donc qui s'appelait tout simplement Karate Kid, qui fait suite en fait à Karate Kid 2, D'accord. et qui a à peu près rien à voir avec Karate Kid. Mais non, Pourquoi? mais. Pourquoi ça n'a rien à voir? Donc, à part graphiquement, où vraiment on va reconnaître vraiment les personnages, Maître Miyagi, c'est Maître Miyagi, il n'y a pas de doute, hein. Oui. Même Daniel LaRusso, impeccable. Mais là, donc, l'histoire, c'est que tout simplement, donc, une relique sacrée qui a des pouvoirs de guérison a été volée à Okinawa. Ouais. Et donc, Miyagi et Daniel San vont parcourir le monde pour essayer de les retrouver, accompagnés d'une fille d'Okinawa qui s'appelle Taki. D'accord. Bon, donc ils se Donc, baladent c'est à peu partout. près pas grand-chose à voir avec Oui, Karate à Kid. part les personnages, en fait, Voilà. voilà, c'est tout, quoi. Donc, la série a tellement bien marché qu'elle s'est arrêtée au bout de 13 épisodes. D'accord. Bon, bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour, donc Tout à fait. moi-même et Spades, sur The Karate Kid, le moment de vérité. C'était quand même, vous avez remarqué, un film mythique. J'espère que vous avez pris plaisir avec nous à écouter ce cadeau bonus et que vous aurez envie de découvrir le film et ses suites. On vous remercie tous. On vous retrouve sur un prochain numéro régulier, soit sur un cadeau bonus. Et on vous dit à très bientôt et on se quitte sur une chanson de Joe Esposito, You're the Best. Salut Allez, Space, à très ciao. bientôt. Ciao. Ciao. Salut, salut. Let's go now!